Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, les données à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est quoi? Alors, c'est toute information relative à une personne physique, donc pas publique, susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Par exemple, par son nom, par une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail ou bien encore un numéro de téléphone ou un numéro de sécurité sociale, un matricule interne ou bien encore une adresse IP. Peu importe que ces informations soient confidentielles ou publiques. Ainsi, s'il est possible par recoupement de plusieurs informations, l'âge, le sexe, la ville ou le diplôme par exemple, ou par l'utilisation de moyens techniques divers d'identifier une personne, alors les données sont toujours considérées comme personnelles. En revanche, pour que ces données ne soient plus considérées comme personnelles, elles doivent être rendues anonymes de manière à rendre impossible toute identification de la personne concernée, notamment par un nom qui peut être masqué ou bien encore un visage flouté. Alors un traitement de données à caractère personnel, c'est quoi? C'est toute opération portant sur des données dites personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Par exemple, ce peut être pour enregistrer, organiser, conserver, modifier, rapprocher avec d'autres données, transmettre également ces données personnelles. Des fichiers, oui, mais pas seulement. Un traitement n'est donc pas uniquement un fichier, une base de données ou un tableau Excel. Il peut s'agir aussi d'une installation de vidéosurveillance, d'un système de paiement par carte bancaire ou bien encore de reconnaissance biométrique ou d'une application pour smartphone. Des traitements apparaissent, bien entendu, et évoluent selon les innovations technologiques. Alors, c'est peut-être des traitements informatisés, mais pas uniquement. Un traitement de données à caractère donc personnel peut bien entendu être informatisé, mais ce peut être également un fichier papier organisé selon un plan de classement, des formulaires papier nominatifs ou bien encore des dossiers de candidature classés par ordre alphabétique ou chronologique qui sont aussi des traitements de caractère de données personnelles. Alors, quels sont les grands principes qui entourent les règles de protection des données personnelles? Alors il y a, pour commencer, le principe de finalité. Le responsable d'un fichier ne peut enregistrer et utiliser des informations sur des personnes physiques que dans un but bien précis, légal et légitime. Ensuite, il y a ce principe de proportionnalité et de pertinence. Les informations enregistrées doivent bien entendu être pertinentes et strictement nécessaires au regard de la finalité du fichier. Ensuite, il y a le principe d'une durée de conservation limitée. Il n'est pas possible, bien entendu, de conserver des informations sur des personnes physiques dans un fichier pour une durée indéfinie. Une durée de conservation précise doit être fixée en fonction du type d'information enregistrée et de la finalité du fichier. Si une durée de conservation n'est pas imposée par un texte légal, par exemple 10 ans pour les documents comptables, alors il vous appartient de fixer vous-même cette durée en fonction de l'utilité de la donnée ou au regard du but poursuivi. Attention, bien entendu, la durée de conservation des données que vous fixerez ne devra pas être excessive au regard des raisons pour lesquelles vous les avez collectées. Par exemple, le temps de la relation contractuelle pour les informations figurant dans un fichier client. Au-delà de cette durée, vous devez bien entendu effacer ou anonymiser les données. Enfin, le dernier principe est celui de la sécurité et confidentialité. Le responsable du fichier doit garantir la sécurité, bien entendu, et la confidentialité des informations qu'il détient. Il doit en particulier veiller à ce que les personnes autorisées aient accès à ces informations personnelles. Enfin, deux notions à préciser, le opt-in ou le opt-out, ça veut dire quoi? Alors, l'opt-in, c'est d'obtenir l'accord du destinataire de la publicité. S'il n'a pas dit oui, alors c'est non. Avant d'envoyer de la publicité électronique par mail, SMS, MMS ou fax, il faut obtenir l'accord du destinataire. Cet accord s'obtient le plus souvent par une mention comme celle-ci. Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de nos partenaires par voie électronique, merci de cocher cette case. Ne pas respecter cette règle peut être puni d'une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale. Enfin, l'opt-out, c'est lorsque le destinataire de la publicité ne s'est pas opposé. S'il n'a pas dit non, alors c'est oui. C'est donc l'inverse de la règle du dessus. À défaut de s'opposer à recevoir des publicités, la personne pourra en recevoir. Cette fois, la mention prend le plus souvent cette forme. Si vous ne souhaitez pas recevoir des propositions commerciales, merci de cocher cette case. Cela concerne notamment la publicité adressée par voie postale ou par téléphone,